Les mouches. Les gentilles mouches. Ouh là là là là là, les gentilles mouches. Chez toi, non? T'en as plus? Si, j'envoie une boîte là.